Le porte-parole du Comité national pour la paix de Corée a lancé le 28 un entretien. En voici le résumé. Les États-Unis qui ont décidé de disposer en Corée du Sud le SAD en poussant la bande des fantoches voilés pro-américains viennent de disposer à la base militaire américaine à Kunsan, province du Jeolla du Nord, une troupe de missiles d'interception Patriot 3 qui était installée à la base de l'aviation de Kadena à Okinawa du Japon. Précédemment, les États-Unis ont décidé de disposer en permanence dans les eaux périphériques de la péninsule coréenne le sous-marin à propulsion nucléaire Mississippi et le sous-marin nucléaire stratégique supergéant Ohio qu'ils avaient introduit au port de Busan, alors qu'ils parlent ouvertement d'installer en supplément à la troupe américaine d'occupation de la Corée du Sud le missile Patriot 3 MSE type renouvelé, dont l'altitude d'interception est deux fois supérieure à celle de l'actuel missile d'interception Patriot 3. Maintenant, la Corée du Sud est transformée en base avancée de la guerre nucléaire des États-Unis pour l'hégémonie en Asie Nord-Est et dans le reste du monde, et en foyer de guerre nucléaire le plus grand en Extrême-Orient. Une fois éclatée la guerre sur ce sol, la plus grande victime des catastrophes nucléaires sera la Corée du Sud, voire toute la nation coréenne subira des calamités irrémédiables. Ainsi, la lutte pour enlever radicalement le danger de guerre dans la péninsule coréenne et assurer la paix et la sécurité de la région doit être commencée à partir du retrait des JEOIS en Corée du Sud. Les États-Unis doivent voir correctement la position stratégique de notre République et le courant de l'époque sans agir à la légère et évacuer immédiatement tous leurs effectifs d'agression et leurs armements meurtriers de guerre de la Corée du Sud. Si les autorités sud-coréennes aussi veulent vraiment la paix et la réunification, elles doivent abandonner la politique servile pro-américaine et prendre une décision pour évacuer les troupiers américains, comme le veut toute la nation.